Est-ce vrai, vieux ? Reprit-elle, que tu as tué ton frère et ton oncle, ruiné ta famille, surhypothéqué la maison de tes enfants et mangé la grenouille du gouvernement en Afrique avec la princesse ? Le baron inclina tristement la tête. Eh bien, j'aime cela ! S'écria Josepha, qui se leva pleine d'enthousiasme. C'est un brûlage général. C'est sardanapale. C'est grand, c'est complet. On est une canaille, mais on a du cœur. Eh bien, moi, j'aime mieux un mange-tout, passionné comme toi pour les femmes, que ces froids banquiers sans âme, qu'on dit vertueux, et qui ruinent des milliers de familles avec leurs railles qui sont de l'or pour eux et du fer pour les gogos. Toi, tu n'as ruiné que les tiens, tu n'as disposé que de toi, et puis tu as une excuse, et physique, et morale. Elle se posa tragiquement et dit « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. » « Et voilà, » ajouta-t-elle en pirouettant. Hulot se trouvait absous par le vice. Le vice lui souriait au milieu de son luxe effréné. La grandeur des crimes était là, comme pour les jurés, une circonstance atténuante.